L'histoire du véritable D'Artagnan par H. de Fels. Le feutre galamment retroussé, des dents de loup sous la moustache en croc, la main sur la coquille d'une langue rapière, intrépide mais réfléchi, fier mais souple, habile au maniement des armes, mais l'esprit aiguisé comme la lame de son épée, tel se lève dans notre imagination D'Artagnan, héros de roman. Que va perdre à la comparaison le véritable mousquetaire du roi, Charles de Batz-Castelmaur, dit D'Artagnan. C'est que les hommes de lettres se sont montrés prodigues d'anecdotes aventureuses à son égard. Avant Alexandre Dumas, un autre écrivain, Courtil de Sandra, commença la légende. Dès 1700, c'est-à-dire 27 ans après la mort du personnage, ce folliculaire part déjà son histoire de récits remplis de verve et d'erreurs. Pour mieux duper le lecteur, il publie bonnement les mémoires de D'Artagnan, dont jamais le héros n'écrivit une ligne, mais à travers lesquelles, toujours l'épée à la main et la gasconnade aux lèvres, il se hausse à la fortune sous le sourire des belles et l'admiration des grands. Dans le village de Lupiac, non loin de Mirande, le château de Castelmaur, où notre homme naquit vers 1620, n'avait aucune raison de dresser un pignon orgueilleux. Son domaine se mesurait à l'ombre qu'il projetait sur le sol, l'intérieur était nu et ne renfermait que des meubles usuels sans prétention au luxe. La vie était chiche, et les sept enfants qui se pressaient à la table paternelle y goûtaient surtout ce plat peu coûteux. L'espérance que leur donnaient les récits familiaux sur tant de gascongueux devenus illustres à la cour d'Henri IV, lui-même héros de fortune. Quand, en 1640, le futur mousquetaire prend la route de Paris, il est probable qu'à ce régime, il était resté maigre comme un pâtre de son pays. Il n'avait pas perdu de temps à apprendre. Son instruction se bornait à savoir tenir une épée, il la tenait bien. Elle était aussi cette épée sa principale richesse, car si rien ne prouve qu'il partit du castel natal sur un carcan de 22 francs avec 10 écus dans ses chausses, il est véritable qu'il ne possédait pas les 250 livres nécessaires en ce temps bon marché pour aller à Paris, s'équiper convenablement et attendre le bon vent. Des plus gueux, il était en outre d'une noblesse douteuse, ce que prouve l'amende encourue plus tard pour usurpation de titre par ses frères, comme lui, Batz Castelmaur. Prudemment donc, notre cavalier s'intitula Artagnan, nom déjà porté avantageusement à la cour et provenant de l'illustre famille des Montesquieu à laquelle appartenait sa mère, dont l'alliance avait rempli d'orgueil les Batz Castelmaur, descendants de marchands de Lupiac. N'importe. Il n'était pas nécessaire de posséder tant d'écus ni de quartiers de noblesse pour parvenir sous Louis XIII. Lorsque l'on était gascon, c'est-à-dire brave, ambitieux, plein de présomptions, avec le nez tourné à la fortune. À Paris, Artagnan s'installa dans la rue des Fossoyeurs, à l'auberge du Gaillard-Bois, à deux pas de la rue de Tournon, où s'élevait l'hôtel de M. de Troisville, capitaine des mousquetaires. Il est exact qu'il avait une lettre de recommandation pour M. de Troisville, et qu'il fit la connaissance chez ce dernier, mais sans épisode romanesque, de trois autres gascons, grands bretteurs que la légende nomme Athos, Porthos et Aramis. Le premier qu'il rencontra, Porthos, en réalité Isaac de Porto, lui tint à peu près ce langage après avoir entendu le jeune homme vanter ses parents de Montesquieu. « C'est bien. Vous n'aurez donc qu'à le ressembler de point en point, sinon vous feriez mieux de vous en retourner d'où vous venez. » Il se lia aussi avec Henri d'Aramitz, auquel son titre féodal d'Abélaïque d'Aramitz valut sous le règne d'Alexandre Dumas, un évêché imaginaire et des goûts ecclésiastiques probablement aussi imaginaires. Le troisième ami, Armand de Silège d'Athos, n'eut jamais rien de mystérieux. Franc mousquetaire, il ne devint point sur sa vieillesse comte de l'affaire, pour la simple raison qu'il mourut dès 1643 d'un grand coup d'épée, reçu peut-être au cours d'une affaire dans laquelle il assistait notre héros. Car Artagnan eut certainement des duels. Mais si l'on n'apprend point qu'il fut jamais blessé en combat régulier, on ne sait pas davantage s'il participa à des rencontres sensationnelles. Quand il apparaît à Paris, les édits de Richelieu avaient calmé les duellistes. On se battait encore, certes, par point d'honneur, mais la mode était à son déclin. Il suffit donc à Artagnan de se montrer dans quelques circonstances banales, l'épée à la main, pour établir sa réputation de gentilhomme valeureux. Il est certain, en tout cas, que le duel n'eut aucune influence sur sa destinée, pas plus d'ailleurs que le siège de La Rochelle et les démêlés de Richelieu avec Anne d'Autriche et Buckingham, notre cadet de Gascogne, à l'époque de ces événements, jouant encore dans les rues de Lupiac avec des gamins de son âge. Alexandre Dumas a beaucoup vieilli, son héros. C'est à la guerre que celui-ci fit sa fortune et surtout en devenant assez vite une manière de diplomate militaire adroit et souple, unissant à une grande loyauté infiniment de séduction. Entré aux gardes, il est presque toujours aux armées et se conduit brillamment au siège d'Arras, de La Bassée et de quelques autres villes. À Gravelines, il pénètre tout seul dans un fort avancé des Espagnols. Le camarade, qu'il s'était adjoint, l'abandonne en chemin et raconte à la compagnie qu'Artagnan est tombé percé de coups. Les Français attaquent et le trouvent bien vivant, occupant seul la position où il n'avait du reste trouvé aucun ennemi. Sans doute est cet épisode qui fit concevoir à Dumas l'idée du bastion de La Rochelle. Cependant, malgré ses états de service, Artagnan traîne toujours des bottes sans semelle. Lorsque nommé mousquetaire, il entrevoile de premières perspectives. C'est au camp d'Amiens. Mazarin demande à M. de Troisville de lui désigner deux mousquetaires qui soient gentilshommes, mais ne possédant que la cape et l'épée, afin d'être certain de leur zèle en échange de la fortune qu'il leur promet. M. de Troisville présente Artagnan et un certain Besmone. Les deux mousquetaires s'imaginent déjà riches sur le coup, mais il leur faut vite décompter car la générosité de Mazarin est limitée. Le ministre les emploie à diverses missions pour lesquelles on leur délivrait quelque argent, mais les frais payés, il leur restait si peu de bénéfices qu'il n'y avait pas pour eux de différence avec le passé. Il en existait une cependant pour Artagnan, car il fit vite apprécier ses qualités d'homme de confiance et sa valeur d'infatigable cavalier. Devenu la créature du premier ministre, le mousquetaire accomplit aussitôt de formidables randonnées. Ainsi, pendant la Fronde, reçu de la nouvelle de la bataille de Rethel, il est envoyé en cette ville au maréchal du Plessis. Le lendemain, il est déjà de retour. Sa célérité et son adresse à accomplir les ordres, le parti qu'il a pris de suivre Mazarin pendant sa disgrâce, le soin avec lequel il sert au ministre de messager avec la France, en ont déjà fait un petit personnage. Il a obtenu un brevet de capitaine aux gardes, mais il a mieux à espérer, car quand Mazarin rentre triomphant à Paris, le ministre sait, et le jeune roi ne l'ignore pas non plus, qu'Artagnan est aussi brave soldat que serviteur sûr dans les missions qui demandent de la discrétion et de l'entregent. Le gascon souple et froid, comme dit Cyrano, a déjà réussi. Quand le roi réorganise sa compagnie de mousquetaires, dissoute en 1646, il en nomme Artagnan sous-lieutenant. C'est en réalité la lui confier car le capitaine en titre, le duc de Nevers, ne s'en occupe pas. Il ne s'agit plus d'ailleurs d'ébrouteur dépenaillé de Louis XIII, amateur de duels et de grandes beuveries dans les tavernes. C'est l'escadron d'élite qui donnera à son chef parmi les hauts dignitaires de l'armée, composé qu'il est de gentilshommes disciplinés, tous revêtus de la casaque d'azur aux grandes croix d'argent, tous montés sur de magnifiques chevaux uniformément gris. Salué par le regard admiratif des bourgeois à la ville, Artagnan joue du personnage à la cour où il a la faveur du souverain. Il fréquente chez Madame de Sévigné, s'égare parfois dans les salons des précieuses, et il lui faut une singulière finesse d'esprit pour ne pas laisser transparaître, sous son pourpoint de cavalier parvenu, le hobereau ignorant et rude que 20 ans de campagne ont encore endurci. Il fera mieux encore en ce genre. Il ne manque plus à sa fortune qu'un riche mariage. Il se présente. Le 5 mars 1659, au Louvre, en présence de Louis XIV, il signe son contrat de mariage avec noble dame Charlotin de Champlecy. Cependant, les mousquetaires accompagnent à Saint-Jean-de-Luz Louis XIV, qui va épouser dans cette ville Marie-Thérèse. Sans doute qu'en passant non loin de Castelmaur, Artagnan quitta le cortège pour aller d'une traite saluer le manoir paternel. Mais la visite fut rapide, car le gascon n'était point homme à mesurer, mélancoliquement sur le seuil de ses pères, la fuite du temps et à s'attendrir aux souvenirs de sa jeunesse. L'action seule était son fait, et un beau jour se préparait pour lui ce 26 août 1660, où Paris, couvert d'arcs de triomphe, allait accueillir avec enthousiasme la nouvelle reine que lui amenait Louis XIV à l'aube glorieuse de son règne. D'Artagnan, en cette circonstance, fut magnifique et remarqué, précédant les souverains à la tête de sa compagnie, pompeusement ajusté lui-même et sur un cheval de prix, paré ni plus ni moins qu'un hôtel de confrérie, qui portait pour main pistole de ruban. Le sous-lieutenant est en passe de devenir capitaine. Même à l'horizon se dessine pour lui un bâton de maréchal. Il est appelé aux grandes fortunes, dit Saint-Simon. Louis XIV lui confie d'abord la mission la plus délicate. Il le charge d'arrêter un grand mystère Fouquet, le surintendant des finances, qui, presque aussi puissant que le roi, est accusé par lui de prévarication. Fouquet est mis au secret. Le souverain n'a confiance qu'en D'Artagnan, qui seul peut voir le prisonnier. Pendant de longs mois, il ne le quittera pas plus que son ombre, et fait unique dans les annales des geôles, il parviendra à accomplir sa mission en satisfaisant le roi, Fouquet et les amis de Fouquet, dont il fut la seule consolation. 5 ans après avoir conduit le surintendant à la forteresse de Pignerol, D'Artagnan est appelé à exercer les mêmes talents et les mêmes fonctions à l'égard d'un autre personnage considérable, Lauzun, dont la grande mademoiselle veut faire son mari. Le capitaine des mousquetaires, car il est devenu capitaine, sentir encore une fois aux louanges combinées de celui qui a donné l'ordre d'enfermer et du prisonnier. Mais mademoiselle, si ombrageuse d'ordinaire, est satisfaite D'Artagnan. Quel tact et quelle habileté chez ce soldat sans culture qui font de lui une figure autrement plus complexe et rare que celle du dueliste légendaire. Il n'avait plus qu'à attendre paisiblement les dernières marques d'honneur qui lui manquaient. Mais D'Artagnan, bien qu'ayant dépassé la cinquantaine et fourni ses preuves de diplomate de cour, restait encore avant tout un fougueux militaire. Ayant laissé 130 dès l'heure sur 300, le capitaine manque à l'appel. Très aimé de ses hommes, quelques-uns sont bons à sa recherche dans une demi-lune battue par le feu ennemi. Il trouve D'Artagnan, tué raide, la gorge traversée par une balle de mousquet. Le cadet de Gascogne mourait en héros. « Le roi, dit la Gazette de France, parla à cette occasion parfaitement bien de M. D'Artagnan, et le loua en particulier de ce qu'il était le seul qui eût trouvé moyen de se faire aimer des gens, en ne faisant pas des choses extrêmement obligeantes pour eux. Même dépouillé des aventures qui l'ont rendu célèbre à travers le roman, le véritable D'Artagnan ne vaut-il pas autant que sa légende ? » C'était l'histoire du véritable D'Artagnan par H. de Fels.